consulter la programmation des spectacles à venir sur levaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Installez-vous confortablement pour deux bonnes heures de rock progressif. Et on commence avec une nouveauté qui nous provient de la Norvège. Il s'agit du premier extrait du 10e album studio de la formation Tørsmørk. Et il faut dire que c'est un retour au rock progressif pour ce groupe parce que les derniers disques étaient dédiés aux enfants, des disques pour enfants, avec pour résultat que peut-être certains fans ont déserté. Mais rassurez-vous, ce 10e album qui doit paraître le 18 août, c'est un retour au rock progressif. On aura aussi The Samurai of Prague, le plus récent The Man in the Iron Mask, featuring Oliviero Lacagnina, claviériste de son état de la formation italienne Latte e Miele. On aura deux extraits, car cet album est constitué de pièces assez courtes, ce qui est pas courant pour The Samurai of Prague. Et puis Marc, je pense qu'après ça, on se dirige du côté de l'Ukraine. Oui, en effet, et la formation la plus connue de l'Ukraine, c'est certainement Carl Fagan et son créateur Anthony Kalugin, qui, comme on le sait, a plusieurs albums à son actif. Alors pour Carl Fagan, c'est le 16e album, et c'est déjà le deuxième album paru en 2023, qui a pour titre Passage to the Forest of Mysterious. Alors on aura la pièce Mysterious Forest Part 2, et ce sera suivi de la formation américaine Great White Nothing. On aura pour vous un troisième extrait de ce nouvel album intitulé Hymns for Hungry Spirits Volume 2, la pièce Viper. Et on aura également une formation instrumentale de l'Italie, un album paru en 2022. C'est la formation Acroasis, et tiré de l'album Zephyros. On vous avait présenté un premier extrait au début janvier. Alors on en aura ce soir un second pour vous, la pièce Alonzo's Wind. Et comme vous disait Michel, on débute d'abord avec la nouveauté de la formation Tørsmørk. We'll be right back.

We'll be right back. need is more than you deserve, and it's a poison that we only serve ourselves. But I'd erase you from every picture I've not burned, if I could keep the lessons learned and guard them well.

every time, everywhere, everyone is demoralized. What I'll leave behind is jeopardized. In the sea, in the fields, everything I needed, but I've always crossed the limit. Red clouds above, isolation and desert below. Anytime, anywhere, anybody looking for home, nothing has changed, lost in the space. Then again, without a care, ready for another planet, the sky was the limit. An invited guest, running from myself. When I know over there someone looked the same sky. Save me. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Je m'appelle Daniel Boucher. Et je voulais vous dire que vous écoutez CKRL, la radio culturelle à Québec. Une des premières qui m'a fait jouer mes tunes. Et puis je me sens le temps qui follement m'appelle à la scène. Et j'ajuste mon col et me sens la dégaine. Et je sais ma petite est. Et j'ajuste mon col. Du 14 au 17 juin, la troupe de théâtre Les Grands Enfants vous présente Fric Fou, une comédie britannique signée Ray Cooney dans une mise en scène d'Andréane Bella. Les représentations ont lieu à la polyvalente de l'Ancienne Lorette du mercredi au samedi 20h et le samedi après-midi à 15h. Les billets sont au tarif de 22$ ou 18$ pour étudiants et disponibles sur lesgrandsenfants.com. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Folk d'Amérique, l'émission de musique racine la plus titrée des galas de CKRL au cours de la dernière décennie, reprend du service les dimanches après-midi, 15h. Au programme, chansons contestataires anciennes et contemporaines, blues, bluegrass, folk songs d'ici et d'ailleurs en Amérique et leurs sources européennes et africaines. Une chaleureuse invitation de Gilles Chaumel. En juin, à Québec, vivez la fièvre de la danse traditionnelle. En partenariat avec le gouvernement du Québec et le Conseil québécois du patrimoine vivant, Estrade vous propose deux danses gratuites et ouvertes à tous. Le 17 juin, en après-midi, rendez-vous en famille au domaine de Mézeray avec le maître calleur Normand Legault. Et le 22 juin, en soirée, c'est avec l'énergique Ghislain Jutras qu'on va danser au Grand Marché de Québec. Que vous soyez seul ou accompagné, néophyte ou habitué, la danse trad, c'est pour tout le monde. Plus de détails au cbbb.net. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura la formation de la Suède Anecdoten qui nous a donné deux excellents concerts lors du festival Terra Incognita. Un premier soir où ils nous offraient un spectacle vraiment spécial où ils ont interprété l'intégrale de l'album V-Mode. Alors, c'est quelque chose que la formation n'avait jamais réalisé, dont une pièce en particulier qui avait jamais été interprétée en spectacle et sur lequel le bassiste et chanteur joue de la guitare acoustique. Et ils ont donné un second concert le samedi qui était consacré aux autres albums de leur carrière. Deux concerts complètement différents, vraiment excellents. Alors, on aura pour vous ce soir un extrait de leur plus récent album Until All the Ghosts Are Gone, paru en 2015, et la pièce Writing on the Wall. On aura également la formation italienne Aliante et un extrait de leur plus récent album Destinazioni Oblique, paru en 2022, et la pièce Il Mondo di Fronte, et dont certains passages musicaux rappellent par moments le thème de Mission Impossible. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, un artiste de la Norvège, et un extrait de son album Fir Forteligen. Oui, c'est le claviériste Lars Fredrik Freusli, musicien de la formation norvégienne Wobbler, mais aussi membre du groupe Tusmork, et puis un musicien qui a composé aussi beaucoup de trames sonores de films et de documentaires en Norvège, donc un monsieur qui se tient bien occupé, et c'est effectivement un extrait de son tout premier disque solo, et on va écouter un extrait d'une longue pièce de 17 minutes qui a pour titre Ritter av Domedag, c'est-à-dire le cavalier de l'apocalypse. «

Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Pour bien débuter vos week-ends, rien de mieux qu'une bonne dose de groove grave qui plombe comme des bombes. L'équipe de Messieurs Dynamite vous attend tous les vendredis de 18h à 20h. Du funk, de la soul, de l'afrobeat, c'est Messieurs Dynamite. Cette soirée vous est présentée par le Bal du Lézard, fier partenaire de CKRL. Consultez la programmation des spectacles à venir sur lebaldulezard.com. Dans le prochain bloc musical, on aura la formation norvégienne Giorgio, tirée de leur plus récent album « George Sessions » qui est paru à la fin 2022 et qui reprend essentiellement l'album « George » paru en 2017, qui a été remixé et remasterisé, et ça donne un album avec une sonorité plus organique que l'original. On aura ici la pièce « La Mog Forstin » et pour débuter le bloc musical, Michel, un excellent artiste italien. Oui, un musicien qui fait partie de Hot Sonaton, mais aussi de la Cosianza di Zeno et qui mène une carrière solo. Évidemment, je pense que plusieurs amateurs de prog italien ont reconnu Luca Scherani, et on va avoir un extrait de son plus récent album qui a pour titre Everything Changing, et ce sera la pièce Il Discorso. Thank you. programmi e frasi vane, sporadici ricurgiti filantropici. Amore che arranca arrampicandosi a fatica, dove penuria e carenza iniettano discordia. Penso ad escludendo endogamia, penso a tacendo cleptocrazia. Dannazio memorie. Atipici restine sottratte sguardi bocandini alla magnanimità. Schiusa confidenza. ensam vandrer. Ingen mennesker, intet mas, kun naturens spill. Stjernehimmel, måneskinn, dypt i drømmens kammer. Lenke brytes, tanke flyr, her hører vi til. For hvem har sagt hvordan vi skal tilbringe vår tid? Ni til fem møblerte hjem med en kostbar fantasi. Jeg leter etter andre ting, søker etter stien min. Jakten på det ukjente og freden i mitt sinn. La meg forsvinne. Bestige høye fjell og krysse tidens sted. La meg forsvinne. Bestige høye fjell og krysse tidens On vous parlait tout à l'heure de Lars Fredrik Freusli, de Wobbler, et on s'est dit pourquoi pas. On va conclure l'émission avec une pièce de Wobbler, une pièce de leur tout premier disque paru en 2005, et c'est la pièce Rubato Industry. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'avoir été des nôtres. Revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.